Le cardinal Wolsey, Nobel historique, par Clémence Robert. Chapitre 1er. Dans le comté de Suffolk, au milieu d'un petit village au bord de la mer, était une maison qui, parmi les pauvres demeures, se faisait remarquer par une apparence plus humble encore. L'intérieur de cette maison était privé des objets les plus nécessaires à la vie. Un pauvre lit servait en même temps de vestiaire et de porte-manteau. Le déjeuner était servi sur l'appui de la cheminée. Des tables de chêne portaient à la fois des livres et des ustensiles de ménage, et les croisées, dégarnies de rideaux, laissaient voir du dehors cet intérieur nécessiteux. Mais en même temps, une grande table de bois noir était couverte des objets scientifiques les plus précieux, des manuscrits, des dessins, des cartes, des instruments de mathématiques, des ouvrages rares. Toutes ces choses étaient même en si grand nombre qu'elle refluait sur les autres meubles et encombrait les trois logements. Là vivait un jeune prêtre. Il étudiait, outre les sciences dogmatiques et liturgiques, les livres d'histoire, de politique, les traités de sciences naturelles. Au-dessus de sa tête était l'étroite croisée où le lierre, errant contre la muraille, venait heureusement remplacer un châssis déchiré, le garantir de la bise et adoucir le jour à ses yeux déjà affaiblis par le travail. Souvent, au milieu de ces longues journées, les besoins du corps et des sens, habituellement comprimés par l'action de l'intelligence, se faisaient sentir tout à coup et réagissaient d'une manière violente. Alors, le jeune homme éprouvait une ardeur immense de voir et de connaître. Il appelait le bruit, le monde, les richesses. Il voulait porter de beaux vêtements, s'asseoir à des tables somptueuses. Son esprit insensé le transportait au milieu des fêtes, et parfois même au milieu de la cour, où il se voyait entraîné dans l'orbite royale par un tourbillon doré. Puis, ses fantasmagories s'évanouissaient. Il se voyait vieux prêtre terminant au fond de ce village sa monotone histoire. Quand il relevait la tête, ses yeux rencontraient l'obscur cimetière où il allait arriver, à ce qu'il pensait, par une route si misérable. Et il ne laissait plus tomber que des larmes amères sur ce papier où tout à l'heure s'imprimaient ses doctes pensées. Dans ces moments-là, il eut souvent l'idée du suicide et, peu retenu par ses croyances religieuses, il l'aurait sans doute mise à exécution sans une circonstance qui ranimait son courage et le retenait à la vie. Souvent, au milieu de ses plus sombres désespoirs, il entendait tout à coup le son d'une harpe, assez éloignée pour avoir tout le prestige du mystère, assez rapproché pour laisser distinguer tous les accents de son langage aérien. Pour le pauvre prêtre, dénué de tout plaisir en ce monde, c'était là une jouissance infinie. Cette harmonie changeait subitement tout son être et lui apportait des forces toutes nouvelles. Ses promenades étaient d'ordinaire aussi tristes que son intérieur. Il allait, pour ne pas rencontrer des visages froids ou moqueurs, parcourir la plage sablonneuse, coupée de précipices et habitée seulement par les oiseaux marins. Là, sa distraction était de déchiffrer les caractères uniques sur les pierres laissées dans ces sables par les Danois. Un jour, il se dirigea vers une prairie placée devant la demeure seigneuriale, peu éloignée de la sienne. C'était la fête du saint de l'endroit. Cette prairie, coupée par la petite rivière de Linau et semée de taillis verdoyants, était garnie de jeux de bagues, de tirs à l'arbalète, de tréteaux avec des ménestrels et des jongleurs. Assis sous des bouquets de lilas qui s'étaient décidés à porter quelques grappes au mois de juillet, des paysans riaient et chantaient en vidant des pots de bière et les autres vins de France débarqués nouvellement. Le jeune prêtre éprouva un sentiment d'envie. La boisson étrangère n'avait qu'une seule fois satisfait sa sensualité, et le souvenir de sa vive saveur tourmenta ses lèvres. Il voulut goûter aussi de ce vin dont la tiédeur de l'air redoublerait encore le charme. Ne pouvant se mêler au groupe des paysans, il alla se placer, après avoir fait les provisions de son festin, dans un endroit caché par un angle du jardin du château. Il s'assoit sur un tertre de gazon, ombragé par des branches d'ébeniers qu'il arrondit au-dessus de sa tête, et la joie de ce banquet improvisé, augmentée encore par de si longues privations et tant de vains désirs, ne tarda pas de lui apporter sa légère ivresse. Il était à son dernier verre, quand un archer de la maison de Sir Amias Paulet, le maître du château et le seigneur du lieu, déboucha de la haie et lui demanda brutalement ce qu'il faisait dans cet endroit. Walsey ne répondit rien et pâlit de colère. « Vous êtes établi bien à l'aise sur les terres de Milord, messire abbé, » reprit l'archer en brandissant sa hallebarde, comme pour chasser le prêtre. Celui-ci saisit l'arme et repoussa violemment le soldat. Le maître du château parut au même moment. Amiens Spaulet était alors âgé de 30 ans. Il avait passé sa jeunesse dans les camps et venait de les quitter pour recueillir dans la province de Suffolk le duché de son père. Il était beau de figure, mais avec ses cheveux d'une couleur ardente, sa longue moustache relevée, sa taille athlétique et cambrée, il semblait que sa beauté fût faite pour le champ de bataille et non pour le salon. Sœur Paulette, d'un caractère ouvert, d'un esprit audacieux, avait tout le cynisme des vices qui caractérisaient la noblesse du temps. Il demanda à l'archer des informations sur ce qui s'était passé et, après les avoir reçues, s'adressa à Walsey. « Il paraît, messire abbé, dit-il, que vous connaissez mieux votre droit canon que les arrêts de nos maîtres du Parlement, car vous sauriez qu'on ne va pas de son autorité privée s'établir sur les terres d'un seigneur et couper les arbres de son jardin. À moins qu'on ne suive l'exemple de ce seigneur, qui en tout lieu se met à l'aise comme chez lui et s'approprie ce qui est à sa convenance. Avec cette différence que le noble ne peut usurper puisque toutes choses lui appartiennent dès qu'il peut les atteindre avec son titre ou avec son épée. Apprenez cela, messire. Je n'ai pas lu dans la Genèse que Dieu ait créé le 3e jour la terre et ses produits pour les lords de la grande chambre. Je crois qu'il a fait les biens du monde pour toutes ses créatures, et peut-être par préférence pour les ministres qui font reconnaître ses lois. Qu'il ait plu ou non à Dieu de donner ses biens aux chevaliers, il les prend parce qu'il est riche, fort et puissant, et que cette trinité de la noblesse vaut bien celle de l'Église, seigneur abbé. Oui, vous êtes riche, et la dorure que vous répandez sur vos bis sert à les mieux faire ressortir. Les 1000 flambeaux que vous allumez dans vos festins laissent mieux voir votre ivresse. Les pierreries dont vous parez vos maîtresses les font reconnaître de plus loin. Vous êtes fort aussi. Vous avez changé la raison dont l'être humain est doué pour l'instinct du loup des bois. Vous êtes puissant, enfin, nous le savons tous, et vos éperons de chevalier aiguillonnent votre cheval sur les champs du pauvre qu'il rabâche et dont il broute l'herbe jusqu'au sol. Par la messe, dit le seigneur en riant. La discussion devient trop savante pour moi. Il faut appeler des docteurs qui la terminent en 1 minute. Oh, la garde! Qu'on conduise ce saint homme en prison. Les châteaux du comté de Suffolk n'étaient alors que des tours isolées, carrées ou hexagones, surmontées d'une plateforme et flanquées de tourelles. Walsey passa sous un portail aux architraves chargés d'emblèmes féodaux et fut conduit dans une tour complètement nue à l'intérieur et dont le pied baignait dans d'immenses pièces d'eau. Dans cette muraille appartenant à Sir Paulette, il était bien plus prisonnier qu'ailleurs car il se trouvait livré à un seul homme. Il s'étendit, la face tournée contre la terre, et versa des larmes de désespoir. Tout à coup, le son d'une harpe se fit entendre. Le prisonnier se livra à cette mystérieuse consolation. Ses yeux étaient encore humides de pleurs que déjà son visage redonnait serein et sa bouche souriante. La tourelle où était Walsey s'élevait au-dessus du principal corps de bâtiment, et une fenêtre garnie de barreaux donnait sur la plateforme. Comme il levait la tête, il vit devant les barreaux de sa croisée une figure de femme. C'était une jeune et belle créature. Elle portait les insignes de la confrérie de la Vierge adaptés au costume brillant de cette époque. Sa robe blanche, bordée de velours bleu, tombant jusqu'aux pieds, était recouverte d'une tunique des mêmes couleurs. Son voile, qui descendait par derrière, était retenu par un bandeau dont la grappe de pierreries formait une étoile sur son front. Walsey la contempla dans une profonde extase. Il fut sur le point de s'agenouiller devant cette apparition. Enfin, la jeune femme dit à Walsey d'une voix tremblante « Mon frère, ne vous laissez point abattre par le malheur qui vous arrive aujourd'hui. Le duc de Suffolk est violent, mais ses colères ne sont pas durables. Croyez qu'il ne vous sera fait aucun mal. Milady, votre présence seule me rassure. Quelles que soient les influences contraires, tout ce qui est autour de vous doit s'empreindre de bienfaisance et de sainteté. Vous avez passé aujourd'hui des moments bien cruels. Tous les moments de ma vie se ressemblent, milady. Comment peut-on se plaindre quand on appartient à notre sainte Église, quand on est prêtre et si haut placé au-dessus des autres hommes, et souvent bien au-dessous de tous, pour la misère et l'obscurité. les plus petits de nos fermiers possèdent au moins une partie des fruits qu'ils ont fait naître. Ils marchent entre deux sillons qu'ils faucheront pour leur grange. Ils se reposent sous un ombrage à eux. Mais moi, il n'y a pas un brin d'herbe qui m'appartienne sur cette terre. Qu'importe la possession pour jouir de la nature? Est-ce que ces prés, ces bois, ces beaux lacs, est-ce que tout ce rivage agreste n'est pas à celui qui sait en comprendre le magnifique spectacle? Ah, milady, si on échappe un moment par l'illusion au sentiment de la misère, il est mille souffrances qui vous y rappellent bientôt. Comment pouvez-vous regretter de si faibles biens, vous qui possédez si jeune tous les trésors de la science? Vaine fortune qui ne servirait pas à me faire obéir d'un archer ou d'un paysan. Avec la force de la pensée et le pouvoir de la parole, vous commanderez un jour à ceux qui leur commandent. Vous voyez que je commence bien mal, dit-il en montrant ses chaînes. Espérez. Il y a sur la côte escarpée de Lochmer une chapelle à moitié cachée dans les ronces et bâtie des rocs mêmes qui couvrent la côte et la rendent stérile. On y dit la messe au commencement de chaque récolte pour rappeler la richesse sur les champs voisins. Vous avez vous-même célébré l'office dans cette chapelle. Je me disais, quand vos discours faisaient résonner les voix du ciel dans mon âme, quand l'onction de vos paroles mouillait mes yeux de larmes, et que je voyais les mêmes impressions sur le visage des pauvres filles du hameau, mes sœurs en religion, je me disais que vous étiez fait pour instruire au loin les populations, qu'il était impossible que Dieu eût mis en vous tant de trésors d'éloquence pour les laisser s'épancher obscurément dans le plus humble de ces temples. Mais vous-même, milady, comment y veniez-vous? C'est qu'à mes yeux, le temple s'agrandissait par le prestige de votre parole. Vous nous montriez notre religion si grande et si sublime que tout y prenait de la grandeur et de la sublimité. Combien de fois, quand la prière avait cessé, quand tous les assistants s'étaient éloignés, suis-je resté à genoux sur la dalle? Vous n'étiez plus là, et votre voix résonnait encore pour moi. Et alors, levant les yeux sur la chaire où vous aviez parlé, j'y voyais votre image couronnée d'une auréole et ayant la tiare posée à côté d'elle. Oh! Qui donc êtes-vous, milady, vous qui, au milieu même de ma misère, m'ouvrez une vie si large et si brillante? En cet instant, le son d'un corps parti du pied des murailles se fit entendre sur la plateforme. La jeune femme disparut subitement en laissant tomber devant la croisée un livre d'heures que le prisonnier put relever en passant la main à travers les barreaux. Ce livre était en maroquin bleu et portait une rose blanche dans l'écusson. Le corps avait annoncé au château l'arrivée d'un hôte de distinction. Bannière déployée, faucon aux sonnettes d'argent au flot de rubans diaprés, forêt de lances acier et vermillon, panache blanc du héros d'armes, bonnet de page à chaîne d'or, sabre d'honneur porté par l'écuyer, beau crucifix tenu par l'aumônier, harpe dorée du ménestrel, rien ne manquait au cortège. Wellesley entendit de son donjon le fracas causé par l'arrivée de ce seigneur, les préparatifs du banquet, les éclats de joie, les chansons, les fanfares qui le suivirent, tout le bruit de cette somptueuse hospitalité. Mais elle ne fit plus naître d'envie ni de trouble dans son âme. Il ne se sentait plus prisonnier. Les paroles de l'inconnu avaient relevé son courage. Le lendemain, Wellesley s'éveilla de ses songes d'or à la voix des archers qui venaient le chercher pour le conduire chez le shérif. Comme il franchissait le seuil de la poterne, ses gardes s'arrêtèrent devant un cortège somptueux qui défilait par le grand portail. C'était celui de Sir John Nathan de Worcestershire, l'hôte pour la réception duquel on avait déployé tout le luxe du donjon. La vue du jeune prêtre enchaîné frappa vivement son attention. « On rend ici de singuliers honneurs à nos vénérables ministres, » dit-il au maître du lieu. « On leur donne des soldats pour diacres et des hallebardes pour bannières. » Sir Amyas s'empressa de raconter ce qui s'était passé la veille et appuya beaucoup sur le manque de respect auquel les seigneurs étaient souvent exposés dans ces moments de trouble. « Je connais, duc de Suffolk, tout le zèle que vous mettez à ce que la noblesse ne soit point attaquée dans son honneur et dans ses privilèges, » reprit Lord Nunfant en souriant avec un peu d'ironie. « Mais dans les fêtes données au prince, on fait souvent entrer la délivrance de quelques douzaines d'oiseaux. Or, comme vous m'avez fait une réception vraiment royale, je vous demanderai, pour mettre le comble à votre magnifique hospitalité, de rendre la liberté en mon honneur à ce jeune prisonnier. » Lord Nunfant était envoyé par le roi pour inspecter en son nom les comtés du sud de l'Angleterre. On n'avait rien à refuser à ce solliciteur de haute importance. Sœur Paulette s'empressa d'acquiescer à sa demande. La manière noble et spirituelle dont Wolsey remercia son protecteur intéressa celui-ci en sa faveur. À quelque distance du château, Lord Enfant, ayant pris congé de Sœur Amias Paulette, se porta un peu en avant de sa troupe. Il vit le jeune prêtre cheminant seul sur le bord de la route. Il mit son cheval au pas et adressa au piéton quelques mots obligeants. « Vous êtes entré bien jeune dans les ordres, Sœur Wolsey, et je croirais volontiers que vous leur faites déjà honneur. J'ai été élevé au prieuré de Leicester, où les moines sont doctes et pieux. La pauvreté de mes parents m'avait prouvé de bonne heure la nécessité du travail. Et la nature aidant quelque peu à l'application que j'apportais, je marchais rapidement dans mes études. Et cependant, vos précoces succès n'ont abouti qu'à un pauvre petit bénéfice et à la situation obscure où je vous vois. Mériter n'est pas obtenir, milord. Les hommes qui ont l'avance dans une carrière n'aiment pas que ceux qui viennent après eux marchent trop vite. Cependant, l'Angleterre n'a jamais eu si grand besoin d'hommes d'intelligence et de sagesse pour la soutenir, car toutes ces institutions tombent de vétusté. Les piliers qui soutiennent un édifice social ne sont pas des bois de charpente, des bois morts. Ce sont des troncs d'arbres vivaces qui contiennent un germe pour se reproduire en tombant. En ce moment, mon pauvre ami, je ne vois que leur faiblesse ou leur décrépitude. La royauté a perdu son ancien prestige. Henri Tudor a été fait roi par ses soldats sur le champ de bataille où il était vainqueur. Il n'est, comme les anciens Césars, qu'une épée couronnée. On a joué la comédie romaine sur le sol breton, et je ne sais si le peuple voudra la prendre au sérieux. Oui, sans doute, car pour compenser la consécration du temps qui lui manque, il y a dans tout pouvoir qui commence une énergie, une vigilance, une volonté de se soutenir qui lui suffit pendant longtemps. La noblesse, la seconde force d'un royaume, s'est usée elle-même dans les longues divisions de York et de Lancastre. Un ministre habile pourra faire passer dans la classe la plus nombreuse cette portion de pouvoir et ses privilèges que la première caste laisse tomber de ses mains, et l'ensemble de la nation y gagnerait. Et le clergé, jeune homme, pensez-vous qu'on puisse croire encore en lui? Il a renoncé à tout pouvoir spirituel par la dissolution de ses mœurs, et son luxe effréné achèvera sa perte. On le relèvera pour un temps. S'il n'est plus une autorité religieuse, il deviendra une puissance temporelle par la fortune qui est entre ses mains. Artistes, ouvriers, marchands, tous se rattachent à lui. Il retrouvera dans la cupidité ce qu'il a perdu dans la foi. Ce que vous dites là est bien hardi, messire abbé. Mais je pardonne au prêtre en faveur du philosophe. Nous voici arrivés à la croix du chemin. Prenons maintenant par les terrains cultivés qui ramènent au village. Lord Enfant contempla tristement les campagnes environnantes. « L'agriculture, dit-il à Wolsey, au lieu d'avancer, dégénère tous les jours. Regardez ces plaines qui se déroulent jusqu'à la mer. Le cultivateur effrayé des impôts qui le chargent renonce à leurs produits, les abandonne aux herbes sauvages et se contente de les couvrir de bestiaux. Le roi a le droit de confisquer des fermes abandonnées et d'en se compter la moitié des terrains à passer ainsi dans le domaine de la couronne. Il est vrai, milord. Mais il ne faut qu'un printemps pour couvrir de nouvelles moissons ces plaines incultes. Quelques jours, un ministre habile se lèvera, ayant rêvé sur son oreiller l'idée d'une meilleure répartition d'impôts. Il aura trouvé le moyen de remplir les coffres de l'État plus avec l'or du riche qu'avec le cuivre du pauvre, et ce jour-là, le laboureur reprendra la charrue. Wolsey et son interlocuteur s'engagèrent peu à peu dans des discussions politiques où le jeune prêtre montra une chaleur d'âme et une justesse de vue admirable. C'était à la fois le cœur enthousiaste du jeune homme et l'esprit ferme et positif de l'homme d'État. Tout à coup, Lord Enfant arrêta son cheval et regardant fixement Wolsey. « Vous savez bien des choses pour votre âge, » lui dit-il avec étonnement. « Milord, » reprit en souriant le diacre, « quand on dîne avec les racines de son jardin et l'eau de sa fontaine, on ne perd pas beaucoup de temps à table. » Et il en reste davantage pour réfléchir. Eh bien, venez demain dîner chez moi avec le gibier du comté et le vin arrivé de France. J'espère que le temps que vous passerez à ce repas ne sera pas plus perdu pour vous que celui que vous enlevez au maigre festin de votre presbytère.